Bonjour, c'est Xavier Mauduit. Je vous propose une histoire végétale avec des forêts, des plantes et des fleurs. Car de Fontainebleau à Compiègne, en passant par Troncet, les forêts du roi envoient du bois. Et à Brocéliande, c'est la légende qui cache la forêt. Avec aussi les impressionnistes qui mettent des fleurs sur la ville. Où, entre les pavés, surgissent les jardins ouvriers. Une histoire végétale, c'est l'œuvre au vert. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Promenons-nous dans les bois pour des histoires de forêts déformées parmi lesquelles celle du roi, disons-le, envoie du bois, et notamment la sublime forêt de Troncet dans l'Allier, au nord de Montluçon, à l'ouest de Moulins. Elle est située dans un fond bien propre, à portée des bois de haute futaie jusqu'à l'âge de 200 ans, écrit en 1670 un commissaire réformateur nommé par Colbert, ministre de Louis XIV le Grand, mais plus grands encore. À Troncet se trouvent Apollon, la sentinelle, les jumeaux des chênes centenaires. La forêt est une vaste étendue couverte d'arbres, d'accord, mais la forêt ne se réduit pas au végétal. On y trouve des hommes, des femmes qui y travaillent. Il y a aussi des animaux à foison. Tiens, un petit écureuil. Au Moyen-Âge, l'histoire raconte qu'un écureuil pouvait aller de Toulouse jusqu'en Normandie sans mettre patte à terre. André Corbol, bonjour. Bonjour. Peut-on dire que cette affirmation est réelle? Au Moyen-Âge, un écureuil pouvait traverser la France d'arbre en arbre? Très honnêtement, pas forcément d'arbre en arbre. Il descendrait d'un arbre, il courrait dans la lande, il remonterait sur un arbre et il pourrait ainsi traverser la France. Mais certainement pas d'arbre en arbre parce que la nature de la forêt de l'époque ne le permettrait pas car les arbres sont très très espacés et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de landes. André Corbol, pourquoi ces arbres sont espacés? Parce qu'il y a toujours cette question autour de la forêt, espace naturel ou espace construit. Ils sont espacés parce que c'est une volonté humaine? Et disons que la forêt, l'espace de la forêt a été densifié à partir du XVIIe siècle, mais jusque-là, la part des landes en forêt est extrêmement importante, ce qui fait que les forêts n'ont pas du tout l'aspect que nous connaissons aujourd'hui. Pourquoi les arbres sont-ils très espacés? Pourquoi y a-t-il beaucoup de landes en forêt? Fontainebleau, il y a près de 30% de landes, hein. La forêt de Compiègne, c'est 20% de landes. Eh bien, parce que les forêts reçoivent des animaux en pâturage, les moutons, les bovins, mais aussi les porcs. Encore que lorsqu'on est rentré dans le petit âge glaciaire, progressivement on a éliminé les porcs parce que la régénération du chêne devient plus compliquée et par conséquent les porcs deviennent des nourrissons immobiles qui sont coincés dans les porcheries au lieu de se gaver de glands à l'intérieur des forêts. Mais cette présence des animaux herbivores et d'élevage en forêt est resté très très longtemps. Vous parliez, tout à l'heure on parlait de la forêt de Fontainebleau entre nous, et bien par exemple dans cette forêt de Fontainebleau, elle a été pâturée y compris jusqu'à la Première Guerre mondiale. Alors dans les tableaux de l'école de Barbizon, à l'initiative des marchands, des peintres, on voit partout des moutons, parce que le mouton se vendait mieux en pâture que les bovins, mais en fait toutes nos forêts ont été pâturées. Alors évidemment, dans les temps anciens du Moyen-Âge et de l'Ancien Régime, c'était le mouton qui dominait et non pas le bovin, parce que le mouton, c'était tout. Ça fournissait l'éclairage, ça fournissait la laine, et la viande était en quelque sorte un sous-produit. Et donc, quand on consommait de la viande, c'était surtout de la viande de mouton. Mais à partir du XVIIIe siècle, le goût change et on commence à avoir le goût des Anglais. C'est-à-dire que nous ne mangeons pas du roast beef, mais nous commençons à adorer le bœuf. Voilà, le mouton en pâture et en peinture est parfait. Absolument. Tout est bon dans le mouton, tout est bon dans le cochon, tout est bon dans la forêt aussi. Tout est bon dans le chêne. Voilà, dans le chêne. Voilà, le chêne, c'est comme le cochon, tout est bon dans le chêne. Et donc, le chêne mérite tout à fait son appellation d'essence noble, c'est-à-dire une essence qui vit extrêmement longtemps, donc on dit qu'elle est très longévive. Et qui fournit un excellent bois d'œuvre, mais qui ne fournit pas que cela, parce que son écorce fournit du thym, qui sert dans les tanneries pour permettre la préparation des cuirs. L'écorce sert également à la fabrication des bardeaux qui couvrent l'ancêtre de nos tuiles, en quelque sorte, qui couvrent les maisons. Bref, tout est utilisé dans le chêne. Et naturellement, lorsqu'il est de qualité moyenne, ou lorsqu'il est exploité très jeune, il sert à fournir du bois de chauffage. Et si l'on n'a pas la possibilité de transporter les bûches facilement, eh bien à ce moment-là, on transforme le bois sur place, c'est-à-dire qu'on le charbonne. Et cette déshydratation dans les meules de bois, qui sont conçues exactement comme les meules de foin, hein, ça permet de pouvoir le transporter en sac, en gros sur... une trentaine de kilomètres maximum, et les sacs, à l'époque, il n'y avait pas de jute. Donc les sacs étaient faits en tille, c'est-à-dire les fibres du tilleul, des jeunes tilleuls, qui étaient traités en taillis, en général dans les parties basses. Et donc ça faisait partie des activités complémentaires des paysans, fabriquer les sacs de charge et les sacs de corde. Donc tout venait de la forêt, et... dans la forêt, le chêne était le roi, exactement comme dans le royaume des animaux, le cerf est le roi, et on sera en Afrique, ce serait le lion. On éprouve toujours le besoin d'avoir une structure pyramidale avec un chef au sommet. Voilà, en l'occurrence ici c'est le chêne. André Corbol, vous êtes historienne, directrice de recherche au CNRS, spécialiste de l'histoire des forêts. Peut-on imaginer au Moyen-Âge une forêt qui n'est pas exploitée, au sens où elle n'est pas habitée, où elle va être laissée sauvage? Eh bien écoutez, dans l'Europe occidentale, qui est très peuplée, vous n'avez déjà quasiment pas de forêt vierge, entre guillemets. C'est-à-dire de forêts qui n'ont jamais connu une forme d'exploitation humaine et qui par conséquent n'ont pas été transformées par l'homme. Des forêts où il y a une faible transformation par l'homme, il faut les chercher dans l'Europe orientale. De la Pologne jusqu'à la Roumanie. Mais la France, c'est le promontoire ouest, et par conséquent, toutes nos forêts sont modifiées par l'homme, elles sont donc anthropisées. Et puis vous nous avez dit qu'au XVIIe siècle, il se passe quelque chose dans l'histoire des forêts. Faisons un petit tour dans la forêt de Troncet. La forêt domaniale de Troncet, aux confins des départements du Cher et de l'Allier. 10 594 hectares, c'est la plus importante forêt d'Auvergne et Bourbonnais. Une forêt à la réputation mondiale grâce à la qualité des bois qu'elle fournit. Une forêt qui a aussi son histoire. Ancienne propriété des ducs de Bourbon, elle fut confisquée et réunie à la couronne de France en 1528 par François Ier. C'est depuis cette confiscation que la forêt appartient à l'État. Une forêt d'une telle qualité que Colbert s'y intéresse et souligne au roi Louis XIV l'intérêt d'une plantation de chênes, notamment pour la production des bois de marine. Plus tard, Nicolas Rambourg, maître de forge, s'installa à Troncet. Les deux tiers de la forêt retournaient à l'état de taillis sous futaie en vue de la production de charbon de bois. La forêt de Troncet dans l'Allier, présentée sur FR3 en 1977. André Corbol, qu'a de particulier cette forêt de Troncet au XVIIe siècle? Il se passe quelque chose de révolutionnaire ici. Révolutionnaire, je ne sais pas trop. Mais il se passe quelque chose. C'est une période où, jusque-là, la France achetait ses navires, y compris ses navires de guerre. Nous les achetions à l'Espagne, nous les achetions au Portugal, aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne. Sauf que dans cette période, nous avons une politique ambitieuse, nous visons l'hégémonie européenne déjà, et par conséquent, acheter des navires capitaux sur le plan stratégique à des pays qui sont nos ennemis, ça fait quand même un peu désordre. Donc, on va créer, alors qu'on n'a pas l'expérience, une marine de toutes pièces. Le mouvement est déjà initié par Fouquet. Colbert va récupérer en grande partie cela. Et par conséquent, il faut se fournir en bois de marine. Bois de marine, il y a deux problèmes. Il y a les bois de coque et les bois de mâture. Les bois de mâture, c'est la montagne, c'est le pin, des arbres qui ont cru lentement. Jusque-là, on n'a pas beaucoup exploité nos forêts de montagne. Elles sont même pas vraiment explorées. Donc, on va commencé à observer les ressources dont on dispose, notamment dans les Pyrénées, mais aussi dans le Massif central. Ça tombe bien, ce sont des zones que Colbert connaît en tant que gestionnaire des biens de Mazarin. Pour les bois de coque, la France a une particularité, elle construit essentiellement en chêne. Et on est persuadé qu'il faut du chêne de la plus belle qualité qui soit. Alors que les Hollandais, par exemple, ils construisent avec n'importe quoi. Pour eux, ce qui compte, c'est la qualité de l'ajustage. Ah non, nous, c'est la qualité du chêne. Or, c'est vrai que troncé, il y a d'autres forêts qui sont dans ce cas-là, on a affaire à des arbres, des chênes qui ont cru lentement, qui ont des cernes qui sont très fins et qui ont des propriétés mécaniques qui sont tout à fait exceptionnelles. D'où l'intérêt de cette forêt. Mais on la connaît bien parce que le fameux connétable de Bourbon qui a été la victime d'abord des Valois et puis ensuite toute la famille des Bourbons-Montmorency ont eu de gros problèmes avec la famille royale. Déjà, ils avaient observé cela. Et il faut pas oublier que les Bourbons comptaient de grands amiraux. Donc, ils s'intéressaient aussi à cette forêt. Donc, la forêt est confisquée. C'est pas la seule forêt qui va être d'ailleurs confisquée. Hein. C'est tout bon pour l'administration royale. Et par conséquent, on va développer sa vocation de fournisseuse de bois de marine, si on peut dire cela comme de cette manière. Alors, les bois de marine, il ne faut pas non plus qu'ils soient trop âgés pour pouvoir être facilement éduqués. Donc, on part en gros sur une exploitation sur 200-300 ans. Or, vous avez des parties dans cette forêt qui n'ont pas été exploitées quasiment depuis le XIIIe siècle. Il y a des parties également qui sont en lande. Et ce sont ces parties qui sont en lande qui vont être reboisées sous Colbert, en gros 3000 hectares, qui vont être ensemencées en gland. Car à l'époque, quand on veut regarnir une forêt, généralement, on procède par des semis. On sème du blé ou du froment parce que les chênes, quand ils sont jeunes, ils ont besoin d'une protection, ils ont besoin d'un abri. C'est ce que l'on a fait pour cette forêt. Par la suite, quand on fera des garnissages, on n'utilisera pas que des semis. Parce qu'on s'aperçoit que les cerfs, les chevreuils, ils raffolent des jeunes plants. Donc on se dit qu'en mettant des plants un peu plus âgés, plutôt que d'avoir des semis, on a de meilleurs résultats. Et on créera dans toutes les forêts domaniales ce que l'on appelle des pépinières volantes. Volantes parce qu'elles sont déplacées au fur et à mesure des besoins. Une fois qu'elles sont vidées de leurs plants qui ont atteint 3 ans et qui ont été engrillagées pour la protection concernant le gibier, eh bien on va refaire la même opération ailleurs. Donc on voit que à partir du XVIIe siècle, on regarde les forêts comme ayant une vocation primordiale, c'est la production de bois et pas seulement de terrains à usage pastoraux. Et également, on commence à s'interroger sur la meilleure façon de densifier ces forêts. Alors la première méthode, évidemment, c'est que on n'exploite pas exagérément, et donc on va obliger, et ce sera le rôle de l'ordonnance de 1669, d'imposer par hectare un certain nombre d'arbres en fonction de leur âge. Alors c'est vrai que dans les normes de l'époque, on a tendance à conserver un peu trop d'arbres âgés par rapport aux arbres jeunes. Les arbres âgés, ils ont un rôle de semencier, c'est-à-dire de reproducteur. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces classes d'âge, on retrouve les classes d'âge de la société humaine. La société des arbres est organisée comme celle des hommes. Les arbres les plus jeunes sont des étalons. Il est très très vieux, on les appelle des vénérables. Il y a les anciens, puis au-dessus des anciens, il y a les vénérables. Et entre les deux, il y a les modernes. En gros, les modernes, ce sont ceux qui ont 40 ans. Alors, au-dessus de vénérables, il y a aussi une catégorie, mais enfin, il ne faut même pas tomber dans celle-là. Ce sont celles des vieilles écorces, que l'on appelle les vétustes. Or, au moment où Colbert arrive, il y a beaucoup de vétustes dans les forêts françaises. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que dans les années qui ont précédé, on était en situation de guerre extérieure et de guerre civile, et donc il y a des zones forestières, notamment dans le Massif central, notamment dans le Bourbonnais, suivez mon regard, qui par conséquent n'ont pas été exploitées comme elles l'auraient dû. Elles sont donc encombrées de ces vieux arbres. Et une des premières actions que fera Colbert, alors que la réformation commençait en 1661 et toujours à l'œuvre jusqu'en 1680, ça va être de purger les forêts royales des vieux arbres qui les encombrent, de façon à permettre la régénération de ces forêts. C'est une régénération naturelle, c'est-à-dire par souches qui émettent des rejets. On les laisse prospérer et parmi ces rejets, on va sélectionner ceux qui deviendront des arbres semenciers. Donc d'abord des étalons, ensuite des modernes, après des anciens et enfin, trois siècles plus tard, des vénérables. Et puis, évitons les vieilles écorces. André Corvol, dans ce que vous nous racontez, il y a un savoir extrêmement spécifique parce que tous ces arbres, il faut les connaître, il faut savoir comment les planter. Vous parlez de pépinière. Bah, pépinière, très bien, j'imagine que tout ça part d'un gland, mais il faut bien trouver ce gland. Quel gland choisir ? C'est aussi connaître l'arbre qui a les plus belles prédispositions à devenir lui aussi un vénérable. Oui, alors ce qui est tout à fait étonnant, vous savez, quand même, les gens, ils n'étaient pas nés de la dernière pluie. Hein. Ils avaient parfaitement repéré l'arbre qui était très, très beau. Et comme ils l'auraient fait pour un cheval, enfin pour une jument qui a de grandes performances, ils se doutaient que les poulains, normalement, devraient donner quelque chose de très bien. Eh bien, c'est exactement la même chose pour un arbre. Quand vous avez un arbre comme à troncer celui qu'on appelle le pilier, qui fait 47 mètres de hauteur, apparemment, les enfants, c'est-à-dire les glands du pilier, devraient donner des chéneaux qui, eux-mêmes, devraient donner des choses pas mal du tout. Donc, il y a cette sélection qui se fait, mais exactement comme on le fait pour le blé ou d'autres plantes. Hein, on sélectionne ce qui est bon en se disant que, normalement, ce qui en sortira devrait être bon aussi. Oui, parce que c'est ça qui est important, hein. C'est vraiment de réfléchir à comment organiser une forêt, la rendre productive. Mais dans ce XVIIe siècle, avec Colbert et puis Louis XIV, bien sûr, il y a cette réflexion qui dépasse simplement la forêt, avec aussi une ambition. Cette ambition, vous nous l'avez dit, André Corvol, c'est perfectionner la marine. Seule la maîtrise des mers assurera à la France sa suprématie dans le monde. Cet esprit nouveau qui souffle sur une France plutôt terrienne, c'est l'œuvre d'un homme, Richelieu. Ambitieux et obstiné, il saura convaincre Louis XIII de la nécessité de faire de la marine l'une des priorités de l'État. En digne héritier, Colbert lui rendra hommage quelques décennies plus tard, en s'acharnant à redonner à la France une flotte puissante. Par souci d'économie et d'autonomie, il fit dresser un inventaire des forêts du royaume, car sans bois, pas de marine. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous nous intéressons aux histoires de forêts, notamment la forêt de Troncet. Alors ici, la forêt de Troncet est présentée dans FR3 Auvergne en 1994. Juste, André Corvol, pour bien saisir l'importance de ces forêts, vous nous parlez pour la forêt de Troncet de chênes vénérables. 47 mètres de hauteur. À quoi servait-il ? Parce que c'est complexe aussi de fabriquer un navire. Vous l'avez bien dit, on ne peut pas mettre un chêne en tant que mât. C'est beaucoup trop lourd, c'est beaucoup trop rigide. De toutes les façons, j'allais dire, quand on voit un navire de guerre, on est impressionné par la taille des mâts. En réalité, les mâts sont toujours composés de pièces différentes qui sont emboîtées l'une dans l'autre, qui descendent d'ailleurs jusqu'à la quille, qui permet une adaptation au vent tourbillonnant ou tout simplement à la puissance des vents. Alors on a toujours l'impression que ça doit être d'un seul tenant. Non, cela dit, c'est les morceaux en question, ils sont conséquents. Et le navire transporte d'ailleurs des mâts de rechange, parce que la cassure des mâts, c'était quelque chose qui était assez fréquent. Mais les mâts ne sont pas en chêne, hein. C'est la coque qui est en chêne. Alors on utilise aussi un peu d'autres bois, du hêtre pour les bois de doublage, etc. Pour ce qu'on ne voit pas, si vous voulez, c'est comme la commode en façade, elle est entièrement en bois et puis en bois précieux et puis l'arrière des tiroirs est fait en autre chose. Bon, ben, c'est un peu la même chose pour un navire. Mais c'est vrai que le navire français a la particularité d'être essentiellement un navire en chêne. Donc il y a le problème de la forme des bois de la coque. Alors il y a des bois qui sont naturellement courbés. Si vous prenez un rejet de souche, il y a forcément à la base de ce rejet le galbe qui vient de la manière dont il se détache de la souche. Mais ça ne suffit pas pour certaines pièces. La courbure naturelle ne suffit pas. Donc, à partir du XVIIe siècle, on réfléchit sur la manière dont on peut obtenir certaines formes que l'on ne trouve pas dans la nature. Donc, forcer la forme, en quelque sorte, des arbres. Donc, on peut modifier cette forme, soit en utilisant la vapeur, ça se fait déjà, soit en travaillant directement au niveau de l'arbre. Donc c'est le système de corset et de cordage qui sont appliqués à l'arbre pour pouvoir donner certaines formes. Alors au XVIIIe siècle, on arrivera à des situations qui sont telles que... je peux pas dire qu'on torture l'arbre, mais on arrive à des situations qui sont absolument aberrantes. Et je dirais que à partir du moment où on a une architecture navale qui veut avoir une coque plus redressée, qui implique des formes qui sont beaucoup plus compliquées, le bois le permet moins que si l'on moule les pièces, et ce sera progressivement le remplacement du bois par le métal. Donc l'architecture navale, je dirais, a progressivement éliminé les bois de la coque, bien avant d'ailleurs d'éliminer le problème des mâts. D'ailleurs, beaucoup de bateaux de métal et à vapeur avaient des mâts avec des voiles pour servir de complément au cas où il y aurait des ennuis avec le moteur. Alors à partir du moment où cette mutation s'est faite, c'est-à-dire que l'architecture navale repose sur le métal et plus sur le bois, que faire des forêts qu'on a entretenues pour le bois de marine ? Eh bien là, merveille ! Ce que l'on a pu utiliser, c'est le bois de tonnellerie. Et là, on retrouve la forêt de Troncé, parce que du point de vue de la composition chimique, du point de vue de la coloration légèrement rosée, ce chêne sessile, ce chêne rouvre, c'est exactement la même chose comme terme, donne un excellent bois de tonnellerie. Donc non seulement nous avons fabriqué des tonneaux, mais également nous avons vendu des tonneaux en kit, et ce sont ces kits que nous avons envoyés, je n'irai pas dans le monde entier, mais particulièrement aux États-Unis, en ayant convaincu que changer de tonneau chaque année, c'était très très bien pour le vin. C'était surtout très très bien pour les exportateurs de bois de marin. Et je crois que concernant cette forêt, allez, je vais être un peu méchante, je crois qu'on a vendu plus de bois de Troncé que la forêt de Troncé n'en a jamais produit. C'est comme le Beaujolais, vous savez, le Beaujolais nouveau qu'on trouve en Australie, ben, c'est à peu près pareil. Mais maintenant, c'est fini parce que à chaque fois, il y a un certificat de provenance qui évite ces petits truandages qui montraient quand même que on avait une forêt de grande réputation, puisque on éprouvait le besoin de dire que oui, ça vient de Troncé. Oui, c'est vrai que ça fait beaucoup plus sérieux, mais dans cette histoire, vous avez soulevé quelque chose, André Corvol, qui est essentiel en fait. C'est que le projet initial de Colbert au XVIIe siècle, en plantant des arbres, il fallait attendre 200 ans pour les avoir, eh bien, ne correspond pas à une autre temporalité. C'est le progrès de la marine. C'est ça qui est incroyable aussi au XVIIe siècle dans ce projet-là. C'est que c'est un espoir porté vers l'avenir, mais sur l'avenir très lointain. Oui, ça a toujours été le cas. Vous savez, dans les années 1970, les bois rouges comme le merisier étaient très très à la mode. Je dirais, une bille de merisier, ça valait extrêmement cher. Donc tout le monde se disait, mon Dieu, pourvu que j'ai des merisiers, on les gardait précieusement. Sauf que lorsqu'ils ont été en âge d'exploiter, en gros 50 ans plus tard, la mode des bois colorés est un peu passée. Tout le monde adore les bois blancs, notamment le frêne, c'est la mode scandinave. Et par conséquent, le bois de merisier a perdu sa valeur. C'est tout le temps ce cas-là. Alors dans le cas du bois de marine, bon, c'était à 200, 300 ans. Dans le cas du bois de merisier, c'était à 50 ans. Si vous voulez, c'est ça qui fait que c'est très difficile, l'économie forestière. Parce que vous croyez bien faire pour votre génération et pour la génération suivante, sauf que ce qui va être récolté, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Et si ça se trouve, à ce moment-là, personne ne voudra de votre produit. Alors cela dit, la technique industrielle permet quand même de corriger ça. Aujourd'hui, je dirais, on peut faire des découpes extrêmement fines de bois, style millefeuille, et on a tous les moyens, je dirais, de mécanique et chimique pour transformer ce bois et créer avec d'autres matériaux. Vous avez ainsi de la fausse pierre, style marbre, malachite, lapis-lazuli, qui est créée à partir de la fibre de bois. Donc, la technique permet quand même de résoudre les choses. Mais c'est vrai qu'à l'époque de Colbert, on était le nez sur le mur. Hein. Vous étiez persuadé que, au niveau des arrière-arrière-petits-enfants, ils auraient du bois de marine. Et puis, paf, les arrière-arrière-petits-enfants, ils avaient rien à faire de votre bois de marine. Et voilà, ils voulaient de la vapeur et du métal. Eh bien, un arbre met du temps à pousser. On le sait bien, c'est important de le rappeler et rappeler combien ces arbres sont baumés et fragiles. Un arbre met du temps à pousser, c'est ce que nous rappelle Fernandel. Ayant acquis dans un coin de village une maison avec un beau jardin, un citadin s'aperçut un matin qu'il n'avait pas sur l'herbe assez d'ombrage. Il réveilla son jardinier dormant. « Trop de soleil durant l'été me gêne. Ne pourrait-on, dit-il, planter un chêne dont l'ombre ici serait un agrément ?» Le jardinier rit alors et réfute « Cet arbre-là met 100 ans à pousser. »« Diable, fit l'autre, il nous faut nous presser. Nous n'avons plus à perdre une minute. » Oui, ça, il n'y a pas une minute à perdre pour planter des arbres. Alors, Colbert plante ses arbres dans la forêt de Troncay au XVIIe siècle. Enfin, c'est pas lui, en fait. On réduit souvent l'action de plein d'hommes, plein de femmes à un seul nom. Colbert n'est pas seul dans cette histoire-là. André Corvol, quelle est l'industrie qui se met en place autour de cette forêt de Troncay? Ne serait-ce que par la transmission des savoirs, par les commandements. Vous avez parlé d'ordonnances. Il y a des textes importants dans cette histoire-là aussi. Oui, il y a des textes et puis il y a le problème de décider des textes, de les décider en tenant compte des réalités du terrain, et ensuite de les faire appliquer. Alors, concernant les textes, il faut bien reconnaître qu'en matière de textes, la législation forestière, elle est pléthorique. Elle est tellement pléthorique, d'ailleurs, que ce soit au XVIe ou au XVIIe siècle, parmi les best-sellers, vous aviez des ouvrages de droit qui recensaient non seulement tous les textes qui avaient été pris sans jamais, d'ailleurs, être toilettés, mais ça, c'est un mal français, plus la jurisprudence. Donc, en la matière, on avait tout ce qu'il faut. Le mérite de Colbert a été de reprendre et de toiletter les codes antérieurs. Et ça a donné l'ordonnance de 1669 sur les eaux et forêts, avec certains points qui concernent la fortification des forêts, c'est-à-dire le système de fossoyage pour bien séparer la forêt des terres environnantes, ce qui évitait les abus et usurpations diverses, et également les réserves de baliveaux qu'on devait laisser, et également la surface qu'on devait maintenir en futaie. Alors, une fois que ces textes sont pris, il faut qu'ils soient votés. La France n'est pas une tyrannie, c'est une monarchie. Tout pendant que les textes ne sont pas enregistrés par les parlements, ils ne peuvent pas être appliqués. Et c'est là où ça commence à se gâter. Car beaucoup de parlementaires étaient dépropriés, ils étaient tous propriétaires forestiers, ils étaient donc concernés par cette ordonnance. Il y en a beaucoup qui ne voulaient pas entendre parler de l'application de cette ordonnance à leur forêt, sans parler de ceux qui ne pouvaient pas souffrir Colbert. Il y avait les deux choses qui jouaient. Donc, il y a eu des blocages, si bien que cette ordonnance n'a été réellement appliquée dans l'ensemble de la France, plus les territoires qu'elle a annexés par guerre dans la période de Louis XIV, qu'à partir de 1760. Donc, vous voyez que Ça ne veut pas dire que dans certaines provinces, ce n'était pas appliqué. Hein, mais pour que ce soit appliqué à l'ensemble de la France, il a fallu attendre 1760, c'est-à-dire quasiment un siècle après, ce qui devrait normalement faire réfléchir tous nos législateurs qui pensent qu'au bout d'un an, un texte doit être appliqué. La législation, ça s'applique sur le long terme. Ensuite, il y a le troisième problème qui est l'application. Colbert avait l'expérience en tant que gestionnaire des domaines de Mazarin de grandes forêts de plaine, notamment les forêts du Nivernais et les forêts de Champagne. Forêts du Nivernais et forêts de Champagne qui étaient en partie rentabilisées par l'installation de forges et par l'installation de verreries. Il n'avait aucune idée de ce qu'était une forêt de montagne. Et par conséquent, l'ordonnance visait à traiter toutes les forêts sur le même pied, c'est-à-dire en taillis sous-futés, avec des zones où le taillis sous-futé vieillirait plus longtemps, ce que l'on appelle la basse, moyenne et haute futée. Et là, on rejoint le problème de Troncé. Avec une exploitation qui se faisait par surface, par parcelle, en y laissant un certain nombre de pieds. Sauf que si vous faites ça en montagne, vous mettez à nu certaines surfaces, plus ou moins importantes, et par conséquent, vous laissez cette surface en proie à l'érosion. En montagne, on exploite les futaies sous la forme de futaies, les taillis aussi d'ailleurs, sous forme de traitements jardinés et non pas de traitements réguliers. Or, dans l'ordonnance de 1669, on ne prévoyait que des traitements réguliers. Le résultat, fureur dans les zones de montagne, notamment parce que dans ces zones de montagne, il y avait beaucoup de provinces qui étaient récemment annexées, comme par exemple la Franche-Comté. Et là, ça s'est passé très mal. Par la suite, il y a d'autres épisodes qui feront que ça se passera mal. Mais on voit une première résistance parce que les gens, en particulier les marchands, résistent doublement. D'abord, ils n'acceptent pas de devoir geler les exploitations le temps que l'on inspecte l'ensemble des droits qu'on procède à la réforme. Et ils n'acceptent pas non plus le mode de traitement qu'on veut leur imposer parce qu'ils savent très bien que c'est catastrophique. Et effectivement, ça a été catastrophique. Il y a des régions, il y a des zones où là où on avait de la forêt, mais une fois qu'on a appliqué le traitement régulier, on n'a plus rien eu du tout. Ah oui, parce qu'il y a un vrai enjeu autour de la volonté étatique d'avoir de grands arbres et de beaux arbres et de belles forêts. Et puis la réalité aussi sur le terrain. Parfois le terrain s'est vengé. Et voilà. Mais André Corvol, il y a une certitude, c'est que là où l'on se trouve le mieux, c'est, mais comme une évidence, toujours auprès de son armée. Mais attention, nous quittons la forêt de Troncé, nous allons un peu plus au sud, en Provence. Ai quitta mon aubre, sans es de raison, er mon cardazzo, quasi mon besoum. Et rien fa des bosses pariers, volonto se non se brusque, car avie mon olivier, cortendrin sotto sa rusque, a redim mon orto, tracce son des plans. De tutti li sorto, florisson tout l'an. Magna zies per ma susta, per me d'una regoli, l'umbro fresca son custa, me baia son oli, procede mon aubre, ere mai curus, co vous a pas dit cae quitta mon aubre, pa merme mon aubre, ere mai curus, que nous entendian zarman tutti tous. Aie uno pipo, umenia en lio, si è un senso tripo, la zitta du fio. Er un brave cazzimbao, crumpa per cauchi d'Ardenno, che din tutti mi trebao, ma sul lavoro mi pena, arrai de belloio, per tabacchezza, e fume me croio, de tabadaura. Ma è regrette l'upetun, de ma fidèle bufardo, mene blavo de salun, sa che le buzzardo, procede mon aubre, ere mai curus, co vous a pas dit cae quitta mon aubre, pa merme mon aubre, ere mai curus, que nous entendian zarman tutti tous, pres d'un refuleri, ai garça lucan, si è un bel arleri, la ilei sa d'un plan. Ma femme qui est dans et dans, sans une mot de vitupère, il m'a tout zoussu pour ta camp. À l'oustau faziou l'impéri, à reciou un quiston, d'une occasarié, patiente requiston, ou même ma mouillé. Maya que li caïtreva, disent pieds qui siou en busco, après l'ouvin cazeta, semblun d'aigre tousco, procède mon aubre, erre mai curus. Quand vous a pas dit qu'il quitte mon aubre, pas même mon aubre, erre mai curus, que nous entendions charmant tout et tous. Fado teu lisiero, de din mon chambrun, même li mai fiero, venient d'Acatum. Saïe ou dièse de matala, per faire adja sa mi belle, de mon pizzo galata, ou dien veire les estelles, plus dièse de mansarde, l'électricité, de la fremen garde, et si ou ben kaufa, maïdin mon appartement, se vez en cacao qui l'une, de koumet au firmament, n'aï plus vis de guenon, procède mon aubre, erre mai curus. Quand vous a pas dit qu'il quitte mon aubre, pas même mon aubre, erre mai curus, que nous entendions charmant tout et tout. André Chiron qui chante Brassens en provençal auprès de son arbre. Évidemment, il vivait heureux dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares, avec aujourd'hui à la technique Jean-Frédéric. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans les forêts du roi, et notamment la forêt de Troncet avec vous, André Corvol. Ces forêts sont majestueuses, elles rentrent dans nos représentations mentales de la forêt idéale. Mais il y a tous ces mots utilisés, futaie, taillis, taillis sous futaie. Alors cette forêt de Troncet dans l'Allier, cette forêt voulue par Colbert, quel type de forêt ? Alors, c'est une forêt donc composée quasiment exclusivement de feuillus, c'est-à-dire d'arbres qui perdent leurs feuilles à l'automne. Mais il y a tout de même, dans cette forêt de Troncet, des parties qui ont été reboisées en utilisant du pin sylvestre et du pin larichaud. Mais enfin, c'est essentiellement une futaie régulière de chêne. Alors, qu'est-ce qu'une futaie ? Qu'est-ce qu'un taillis ? Alors, un taillis, c'est un peuplement qui est coupé relativement jeune, au moment où l'âge a la capacité d'émettre des rejets de souches. Donc là, la chose est nette. Chaque fois que vous exploitez un taillis, il renaît de lui-même. Donc, je dirais, c'est une gestion durable par définition. Alors, pour la futaie, c'est plus ambigu. Car aujourd'hui, pour nous, une futaie, elle est composée d'arbres qui sont nés d'une semence, d'une graine. Donc, de ce point de vue-là, la futaie s'oppose au taillis. Ce n'était pas le cas autrefois. Ce qui définissait la futaie, c'était l'âge. Donc, si vous prenez le cas d'un taillis, il rejette de souches, vous laissez une partie de ce taillis vieillir, les pousses grandissent, se fortifient. S'il dépasse l'âge normal de l'exploitation du taillis, c'est une jeune futaie. Vous laissez encore grandir, ce sera une moyenne futaie. Et vous la laissez vieillir beaucoup, beaucoup, ce sera une haute futaie. Donc autrefois, le critère qui séparait le taillis de la futaie, c'était une question d'âge. Alors qu'aujourd'hui, c'est une question de mode de production. Dans le cas du taillis, c'est de la souche. Dans le cas de la futaie, c'est le cas des semences. Et vous obtenez des peuplements qui sont d'aspects différents. Dans le cas des futaies anciennes, je dirais que les arbres portent la marque de leur origine. C'est-à-dire qu'ils ont une légère courbure à la base de l'arbre que l'on appelle le collet. Alors que, au contraire, dans le cas de nos futaies, les arbres sont entièrement droits, du début du collet jusqu'au haut. C'est ce que demandait, surtout au XIXe siècle, l'industrie du bois. Donc on a deux types d'organisation. Alors vous pouvez avoir, je prends le cas du XIXe siècle, des futaies de feuillus ou alors des futaies de résineux qui ont l'avantage de pousser plus vite et qui correspondaient mieux que les feuillus aux besoins en bois d'œuvre dans une période où les villes croissent extrêmement vite et donc vous avez besoin de bois de construction non seulement pour les aménagements de l'intérieur mais tout simplement pour construire la structure même de la maison. Et il y a une chose que l'on oublie, c'est que à partir du 19e siècle, vous avez le ciment et puis ensuite le béton coulé qui consomme énormément de bois. Tous les coffrages sont faits en utilisant du bois de résineux. Vous avez également le développement du chemin de fer. Le chemin de fer, oui, les voies sont faites, les traverses de bois sont faites en chêne, mais par contre, tous les wagons étaient faits en bois. Il faudra attendre très tard pour que les wagons ne soient plus en entier en bois, mais je vous signale que dans l'entre-deux-guerres, les wagons de troisième classe étaient encore faits en bois, les plateformes étaient en bois, etc., etc. André Corvol, si nous nous promenons dans les bois, nous regardons un peu autour de nous. Alors, est-ce que l'on peut dire que la futaie, là, c'est les arbres bien droits, alignés plus ou moins, ça on s'en fiche, mais bien droits, alors que le taillis, c'est un peu plus le bazar quand même? Non, c'est pas le bazar. Simplement, quand il est très jeune, vous circulez plus difficilement parce que les rejets sont denses, ils sont drus, ils sont serrés, et donc la circulation peut être plus compliquée. Tout dépend de la densité des souches. Si vous avez des souches qui sont très espacées pour pouvoir permettre que la lumière arrive jusqu'au sol et donc avoir de l'herbe pour les bestiaux, bon, à ce moment-là, vous circulez sans difficulté. Par contre, quand vous avez un très jeune taillis avec des souches très denses, là, vous avez un fourré, c'est être une réserve à gibier, les animaux vont pouvoir y mettre bas, se cacher, etc. Mais évidemment, vous allez y circuler difficilement. Alors, d'ailleurs, lorsque vous parlez de contes de fées, par exemple, les malheureuses princesses qui sont égarées en forêt et qui peinent à trouver la sortie, elles ont toujours à traverser des zones de ronces et de fourrés, mais ça, c'est parce que les auteurs étaient des sadiques. Hein. Les malheureuses, elles sont griffées, les vêtements deviennent des loques, etc. Bref, elles apprennent la rudesse de l'existence de cette façon. Alors que c'était pas comme ça. Elle pouvait quand même circuler entre les arbres. Les auteurs sont des sadiques, vous avez raison. Et puisque nous nous promenons dans les bois, et vous l'avez dit, il n'y a pas que des arbres, il y a des gens, il y a des charbonniers, il y a plein de gens dans les bois et des animaux. Alors, nos cochons, là, qui étaient tant présents dans les forêts, après un peu oubliés, d'accord, mais que deviennent toutes ces activités une fois que le pouvoir étatique, Colbert notamment au XVIIe siècle, décide de faire une grande forêt, par exemple Troncet. Là, les activités autres, annexes, se poursuivent dans la forêt? Oui, elles se poursuivent. D'abord parce que c'est nécessaire à l'entretien de la forêt. Là où, par exemple, les arbres reviennent mal, parce que justement il y a une pression du gibier qui a été très importante, on pratique ce que l'on appelle le recépage, c'est-à-dire qu'on coupe à ras de terre les jeunes brins pour qu'ils repartent plus fort du fait qu'ils ont un chevelu racinaire qui est déjà extrêmement dense. Mais également, vous avez de nombreuses activités qui sont nécessaires à la forêt. Vous avez par exemple, pour les très jeunes arbres, l'intervention des cercliers. Ce sont des hommes qui coupent ces jeunes arbres, qui sont encore pleins de sève, qui vont les débiter dans le sens de la longueur, en faire des cercles qui sont nécessaires lors de la fabrication des tonneaux. Et Dieu sait que c'est important, par exemple à Troncet, parce que même si Troncet fournissait du bois de marine, déjà à l'époque, cela fournissait aussi des bois de tonneaux. Et avant de poser les cercles métalliques sur les tonneaux, on resserrait progressivement les douelles qui étaient les planches qui constituaient les tonneaux. On les serrait progressivement en utilisant des cercles qui étaient en bois. Ça, c'était le rôle des cercliers. Mais vous avez également les cendriers. Alors, les cendriers, c'était ceux qui transformaient en cendres les bois, ce qui était à la base de la fabrication des savons. Donc, voilà deux métiers qui existaient. Mais vous aviez également les leveurs d'écorce. que l'on appelait les corsiers, leveurs d'écorce. Les écorces étaient ensuite livrées aux tanneries. Donc tous ces métiers font que les forêts de l'époque, vous n'aviez pas beaucoup de visiteurs ni de promeneurs, mais vous aviez énormément d'ouvriers. Vous n'étiez jamais seul en forêt. C'est bon à le savoir, ça. La grande solitude des forêts, c'est celle qui existe aujourd'hui entre le lundi matin et le vendredi midi. C'était pas le cas autrefois. À tout endroit, vous criez, il y avait quelqu'un qui vous appelait. Ces forêts étaient habitées par tous les gens qui travaillaient en forêt. Vous aviez des ateliers en forêt même. Par exemple, à l'époque, les sabots n'étaient pas fabriqués au village. Ça, ce sera quelque chose qui évoluera au cours du XVIIIe siècle. Dans les siècles précédents, vous aviez des sabotiers qui installaient leurs ateliers à l'intérieur même de la forêt. Je dirais, il y a bien d'autres métiers qui étaient dans ce cas-là. André Corbol, vous êtes l'auteur de cette passionnante histoire, L'homme au bois, histoire des relations de l'homme et de la forêt, 17e, 20e siècle. Vous êtes également l'auteur d'une histoire de la chasse, L'homme et la bête, parce que dès qu'il est question de forêt, bien sûr, il faut évoquer la chasse. Seigneur Dieu, roi du ciel et de la terre, par lequel tout a été fait et livré au genre humain, considère notre humilité. Nous t'en prions. Et de même que tu as accordé à notre usage le secours des animaux, de même dans ta bonté daigne bénir ces chiens et par l'intercession de Saint Hubert les préserver de la rage et de toute maladie et les protéger de la dent du loup et de la défense du sanglier afin qu'avec action de grâce ton saint nom soit loué et glorifié, toi qui vis et règnes dans les siècles des siècles. Amen. Et la chasse à courre peut commencer. C'est un prêtre qui bénit les chiens pour une chasse à courre. Nous sommes en 1967, Saint-Hubert exactement, parce que la chasse essentielle, alors essentielle pour la forêt bien sûr, mais également pour le pouvoir. Et puisque nous parlons de la forêt de Troncey, forêt voulue par le pouvoir royal, eh bien ici nous pouvons évoquer la chasse parce que ces forêts royales, ces forêts de la couronne sont aussi alors un lieu de loisirs, de divertissement. Peut-être, mais un lieu hautement symbolique pour le souverain. Tout à fait. La chasse, je dirais, il y a deux types de chasse, en fait. Il y a ce que j'appellerais la chasse populaire, celle qui est admise, tolérée pour les paysans, mais également d'autres catégories sociales, qui vise à diminuer les nuisibles, les rongeurs, les oiseaux granivores, qui détruisent les récoltes. Donc, il y a une chasse populaire qui est tolérée dans le cadre de la régulation des populations nuisibles. Et puis, il y a une chasse différente, qui est une chasse sportive, une chasse guerrière, qui permet aux jeunes nobles de pratiquer... de faire l'apprentissage des armes, l'apprentissage du commandement également, puisqu'il va devoir réussir à synchroniser le travail entre les chiens, les chevaux et également ses compagnons, en tirant parti de l'opportunité que donne le fait que l'animal d'un coup se présente ou bien change de piste, etc. Donc également, il va permettre de développer ses réflexes sur ce champ de bataille qui est en quelque sorte le terrain de chasse. Alors, dans cette période de l'Ancien Régime, on voit des transformations concernant la chasse. C'est vrai que jusqu'à Henri IV, tous les rois ont pratiqué, je dirais, des chasses musclées. Par exemple, chasse à l'épée, chasse à la dague, chasse au pieu, où par conséquent, le corps à corps avec l'animal peut exister et peut également tourner très mal. À partir du XVIIe siècle, on voit au contraire un espacement se créer entre la personne royale ainsi que ses suivants et l'animal. Et ce sera le développement de la vénerie. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, on a une vénerie à cheval, mais aussi une vénerie à pied. La vénerie ne se pratique pas forcément à cheval. Dans le cadre de la vénerie, la France sera souvent considérée comme la patrie de la chasse à la vénerie parce que on a des forêts de plaine et donc elles ont été aménagées avec des systèmes de rocades et d'allées pour que les chasseurs et leurs suiveurs, parce que c'est un spectacle, donc derrière ces chasses à cours, vous avez des gens qui sont postés au bon endroit, exactement comme pour le Tour de France, on se met au bon endroit pour observer ce qui se passe, mais vous avez également des carrosses, etc., qui suivent, parce que on veut descendre au bon moment, c'est-à-dire celui du combat final, en quelque sorte, où l'animal sera abattu, ou bien où on reconnaîtra que il nous a échappé et que par conséquent, rendez-vous au lendemain matin. Donc, cette chasse a ce côté qui est un spectacle. Et donc, ces forêts domaniales vont être aménagées pour permettre une circulation rapide à la fois des veneurs, mais également de tous les suiveurs. Les forêts sont également aménagées pour qu'on puisse voir la chasse d'un endroit posté, c'est-à-dire le château de chasse, avec des terrasses qui permettent de suivre au loin la chasse. C'est le cas de Chambord, mais c'est le cas de tous nos châteaux d'Île-de-France, par exemple. Donc la chasse peut être vue de près, mais elle doit être vue de loin, et c'est un spectacle. Ce sont ces grandes forêts, Fontainebleau, Compiègne, Rambouillet, aménagées pour la chasse à cours. Quant à Troncet, cette forêt de Troncet voulue par Colbert, c'est sûr que quand les arbres sont grands au 19e siècle et que l'on n'a plus tellement besoin d'eux pour la marine, il faut réfléchir à ce que l'on va en faire. Oui, quel destin pour la forêt de Troncet ? C'est un roi de la forêt, peut-être le roi des forêts françaises, qui vient de disparaître. Planté voici 340 ans, c'est-à-dire au début du règne de Louis XIII, le chêne Apollon, haut de 40 mètres et qui mesurait près de 5 mètres de tour, était le plus bel ornement de la forêt de Troncet. Ses 340 ans et sa valeur, 3 millions de francs, en ont eu raison. Mais ce chiffre volumineux ne nous consolera pas de la mort du plus beau chêne de France. En 1954, à Troncet et dans les actualités françaises, disparaît Apollon, ce chêne majestueux. André Corvol, que devient la forêt de Troncet ? Parce qu'il y a bien sûr tout ce bois utilisé pour fabriquer des tonneaux. Il n'y a pas que cela aussi, c'est que le bois est utile pour fabriquer du charbon. Et le 19e siècle est celui de la sidérurgie, des forges. Oui, si vous prenez le cas de Troncet, par exemple, les forges vont fonctionner jusqu'en 1932, c'est-à-dire extrêmement tard. Cette importance de la forêt pour la sidérurgie au bois, c'est quelque chose qui est extrêmement général. Ce qui vous explique d'ailleurs que l'âge des forêts a eu tendance, l'âge des peuplements forestiers serait plus exact, a eu tendance à baisser à partir du XVIIIe siècle. Car à partir du moment où on développe la sidérurgie, on baisse l'âge d'exploitation des arbres parce que c'est plus facile de dresser une meule à charbon avec des arbres relativement jeunes qu'avec des arbres âgés. Donc que ce soit les forêts qui dépendent du roi ou qui dépendent de l'aristocratie ou même de bourgeois très fortunés, de financiers qui ont placé de l'argent dans les forêts, on voit cette tendance à rentabiliser la forêt par l'intermédiaire de la sidérurgie. Alors, c'est évidemment, à partir du moment où la sidérurgie, c'est le même problème que pour le bois de marine, à partir du moment où la sidérurgie a été une sidérurgie reposant sur une énergie fossile et non pas une énergie durable, c'est-à-dire à partir du moment où on a abandonné le combustible végétal au profit du charbon, eh bien effectivement, on a pu laisser vieillir les arbres et obtenir les futaies que nous admirons aujourd'hui. Mais au 18e, 19e siècle, une bonne partie de ces futaies n'existait pas. Donc bon nombre de des futaies que nous admirons sont des futaies qui n'ont que 200 ans, qui suffisent à nous impressionner, mais il y a des îlots à l'intérieur de ces espaces où vous avez des futaies qui sont de 300, 400 ans, et à l'intérieur de ces portions à 300, 400 ans, vous avez des rescapés, c'est-à-dire des arbres remarquables qui peuvent être des arbres qui ont 500, 600 ans. Donc ces grands arbres, je dirais, ils sont comme vous et moi, hein, ils sont mortels, donc un jour ou l'autre, ça finit, il faut bien les abattre. C'est regrettable, mais il faut quand même bien les abattre. Et c'est le cas de ce chêne Apollon, mais un jour, ce sera le cas à Compiègne du chêne que l'on appelle le Beaumont, qui a 42 mètres de hauteur. Bon, c'est le sort de ces monuments naturels, un jour ou l'autre, de tomber. Et ce qui est triste, je trouve, c'est que un monument qui est construit de la main d'homme, même s'il a été totalement détruit, mais qu'on conserve les plans, on peut le refaire. Alors qu'un monument naturel comme un arbre, quand il est tombé, bon, il n'y a plus rien. On peut peut-être garder une rondelle, c'est-à-dire comme une tranche de saucisson qu'on va protéger sous un dôme, sous une couverture de tôle ondulée, mais c'est quand même très triste. C'est très triste et très beau ce que vous dites aussi sur ces monuments naturels, André Corvol. Et le plaisir peut se poursuivre en vous lisant L'homme au bois, histoire des relations de l'homme et de la forêt du XVIIe au XXe siècle. Merci vivement à vous de nous avoir conduit dans la forêt. Mais écoutez, je pense que nous allons rester dans la forêt parce que voici Gérard Noiriel. Bonjour Gérard. Bonjour. Oui, avec vous. Le pourquoi du comment toute l'année. Un plaisir quotidien dans ce pourquoi du comment, la première de la saison, cette première chronique, vous nous conduisez en forêt. Oui. J'ai choisi aussi de rendre hommage à tous les gens de la forêt, oui, avec un regard historique. Oui. Quelle forêt ? La forêt des Landes. Eh bien, nous y allons. Comment le feu de la forêt des Landes attise les braises de la mémoire ? À Uzest, un petit village de Gironde, situé en bordure de la forêt des Landes, le festival de jazz et de musique improvisée, créé en 1978 par le musicien Bernard Lubat, a pu avoir lieu cet été, après 2 années d'interruption pour cause de Covid. En tant que partenaire de ce festival depuis 1989, la CGT organise des rencontres dans un espace que les militants ont eux-mêmes aménagé et qu'ils appellent la cabane des gemmeurs. Ils ont construit cette cabane pour redonner un peu de vie à l'habitat typique des ouvriers gemmeurs d'autrefois. C'est toute l'histoire d'une profession et d'un savoir-faire en perdition que ces militants ont voulu ainsi honorer de leurs propres mains. Les menaces qui pèsent aujourd'hui sur toute la forêt des Landes rendent d'autant plus impérieux ce devoir de mémoire. C'est ce qui m'a incité à évoquer, dans ma chronique d'aujourd'hui, l'histoire mal commue des gemmeurs. Ce petit monde des ouvriers de la forêt est né sur les décombres de l'économie agro-pastorale qui a dominé dans cette région jusqu'au milieu du XIXe siècle. Sous l'impulsion de Napoléon III, un immense espace collectif a été privatisé et la terre des Landes a été peu à peu recouverte d'un manteau uniforme de pin maritime pour l'exploitation de la résine dont le commerce était très lucratif. Le procédé qu'on appelle le gemmage s'est alors généralisé à travers toute la forêt pour devenir l'activité industrielle phare de la région jusque dans les années 1950. Ces bouleversements économiques ont donné naissance à une société nouvelle. Les notables locaux, maîtres de forge, propriétaires, commerçants, etc., ont mis la main sur une grande partie de la forêt en s'appropriant les biens communaux qui appartenaient autrefois au village. Beaucoup de petits paysans sont devenus alors des gemmeurs, chargés d'entailler le tronc des pins pour en recueillir la précieuse résine. La plupart des gemmeurs étaient des métayers, qui dépendaient personnellement du propriétaire d'une parcelle et qui devaient lui verser une rente en nature. Au fil du temps, les relations entre gemmeurs, métayers et propriétaires se sont dégradées. La rente en argent ayant remplacé progressivement la rente en nature, la condition de métayer s'est rapprochée de celle des ouvriers. Beaucoup de gemmeurs se sont syndiqués pour obtenir un statut de salarié. Leur mobilisation a atteint son apogée dans les années 30, mais la Seconde Guerre mondiale et les incendies qui se sont succédés de 1937 à 1949 ont marqué le début du déclin. La dégradation massive du massif forestier et de l'habitat a provoqué une chute du prix du bois et des terres, contraignant un grand nombre de gemmeurs à émigrer. Cet exode s'est accéléré quand la récolte de la résine a été progressivement remplacée par la production de bois. Alors que dans les années 30, les gemmeurs avaient espéré améliorer leur sort par la lutte collective, la plupart d'entre eux ont finalement opté pour des solutions individuelles en acceptant de se reconvertir. Eh bien, merci beaucoup Gérard Noiriel de cette évocation des Landes et le cours de l'histoire dans une histoire des forêts. Après, la forêt de Troncet est obligée de passer par les Landes parce que c'est un plaisir pour une émission intitulée par la fine équipe du cours de l'histoire « Les racines des Landes, un pain, c'est tout ». L'équipe du cours de l'histoire, qu'il faut remercier, c'est Anne Toscane-Judès, Jeanne Delecroix, Jeanne Copet et Maïwenn Guizhou. Le cours de l'histoire, cette émission et toutes les précédentes sont à écouter et à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France, où vous retrouvez également le pourquoi du comment de Gérard Noiriel. France Culture, l'esprit d'ouverture.